barre-balle. Check le gars, grosse tête, fais péter des brins, bon steak. Check le match, fais péter les bacs, mec, faut que tu te prosternes. Ton rap pété me consterne. Crois pas que c'était le bon texte, discret, c'est pas le bon terme. Verra le boucan du concert. J'ai batte les barres, je passe dans les bacs, épargne les lâches. Je crache des larmes, crache des bacs de bave. Écartez-vous, je vais cartonner là. Et pardonnez-moi, je suis navré. Sentiment insalubre des lavets. On rêve de rêver, beaucoup pour s'évader. Tous les cons, les bons aux arriers. Toutes les bombes, les cons, des carnets. Sous les ponts, des pions, des schlagués. Des michetots, des tronches de clavier. J'en place une portion de tarier. Le décollage m'a fait planer. Les de l'estude qu'on cramait, celui qui me couchera n'est pas né. Check, un barbane, le prince du plaît. Ok. J'raconte pas de story, pas de sourire, pas de rap, sans rime, face story, pas de comique, passe-passe, tendu lame, il se passe-passe, ton hume, passe, joli plein, joli pas, j'vais pas de basse, donné, j'ai une place, au mitard, toutes ces barres, on ricane, on s'écarte, on se fichate, tous ces dates, autis grave, j'aime ça, le visage, mec, dégage, on y croit, des flammes en guise de rétine, j'rentre sous les bombes sans ergo, j'envie les reptiles. Viens pas, teste mon crew, on a des facs à nos trous. J'vais ramener toutes nos troupes, après le son tu vois troupe caché dans la brousse. T'as la frousse, t'es plus dans la course, va creuser ton trou. Je casse des barcas, fais pas de détails, tête de barbare. Je vois que t'es carcasse, dis pas que t'es garde, je claque mes tasgas. Tu fais que du gargarise, tu putes de la gueule. Non, je ne fais pas le pari, tu parles de maille, mais pas le tari. J'vais ramener tous les gars de Paris, t'es con mec que bouge, éclate ta rime, les condés debout, les cataclys. Tu parles, on te couche, te casse ta bif, au bord du coup, tu traces ta vie. Je crois que je pars, décale, dégage, départ, débarque, j'ai clashé des faces, déballe des cartes, déballe des claques, me parler des tâches, me marrer des clars. Bientôt ma ganache, au palais des glaces, trop de jaloux, je veux pas les déclarer. Je compte les bons, pas parler des cas, j'ai pris de l'avance, pas compter les cas. Un bras, balle, remise en forme.